Moi je dis que le monde est malade, qu'il conviendrait de s'aimer un moment, que l'avenir est plus sombre qu'un champ de bataille, que le passé nourrit mal le présent. Alors comme ça, les gens sont pas méchants, surtout quand ils sont amoureux. À mon avis, t'as du froid dans les yeux. Sinon, voici un chèque pour changer tes lunettes. Ce ne sont qu'une bande d'égoïstes. En fait, il n'y a pas plus triste. Tu pourras crever devant eux. Et on sait à quoi ils passent leur temps. Ils s'enlacent, ils se caressent, ils s'embrassent. Moi, je me casse, je dis pas ça parce que je suis tout seul. En fait, j'ai choisi d'être tout seul. Non, c'est pas vrai, en fait, elle m'a quitté. Elle a prononcé des mots un peu trop compliqués. Elle m'a raconté qu'elle m'aimait plus. Je dois t'avouer que je n'y ai pas cru. Pourtant, elle a bien insisté. Après 5 ans, c'est dur à supporter. Mais je l'ai supporté quand même. Moi, je dis que le monde est malade, qu'il conviendrait de s'aimer un moment, que l'avenir est plus sombre qu'un champ de bataille, que le passé nourrit mal le